Chapitre 16 Chez les humbles. Calmes et continus comme une eau sans brisant, les jours ont passé vite et les mois et les ans. Berthe au milieu des bois a vécu dédaignée, d'une vie humble et douce et presque résignée. Debout dès l'aube et tant que chantent les oiseaux, toujours poussant l'aiguille ou tournant ses fuseaux. Le sabotier Simon et sa femme Constance l'ont jadis accueilli en leur simple existence. Et tous deux se sont mis bien vite à l'adorer. L'ermite vient parfois lui dire d'espérer, et les gens qui le soir, passant la connaître, l'écoutent un instant chanter à sa fenêtre. Au pli frileux des coteaux bleus, l'adieu du jour mourant se dissémine, à petits pas, qu'on n'entend pas, sous les branches la nuit chemine. L'ombre des bois gagne les cieux, broder mes doigts, rêver mes yeux. Des fleurs aux mains par les chemins, les bûcherons s'en viennent des clairières. Et du clocher va s'épancher l'appel des cloches en prière. À l'heure où s'endorment les bois, rêver mes yeux, broder mes doigts. Tel au hasard des mots sur des airs d'autrefois, Berthe égrène en brodant ses rêves et sa voix. Le silence du soir tendrement l'environne, et son front qui devait porter une couronne s'incline un peu pour suivre au pli des linges blancs l'aiguille jamais lasse en ses doigts vigilants. Elle n'espère plus que Pépin lui sourit, mais elle pense à lui, de loin, comme en Hongrie. Sur la tour de Strigon, les soirs qu'elle rêvait, d'un prince en manteau d'or assis à son chevet. 10 ans n'ont point flétri sa grâce d'exilé. Se résigner tout bas, c'est être consolé. Et Berthe se résigne, et toute sa douleur, c'est d'évoquer parfois la reine Blanchefleur. Sans enfant et bien seul, et bien lasse et bien triste, et le roi Florès, vieux à douter qu'il existe. Tous deux ont pu mourir au fond de sa forêt, si loin d'eux et de tout, Berthe ne le saurait. Mais elle a cet espoir en son âme ingénue, que Dieu veille sur elle et l'aurait prévenue.